Hoffmann de Fallersleben. Lamentable histoire d'un scarabée d'or. Un scarabée à l'étui d'or courait sur le feuillage. Le pied maladroit d'un buteur l'écrase en son bel âge. Comme il montrait son dos vermeil au fils de la campagne, comme il se chauffait au soleil levé sur la montagne. Pas une fleur ne plaint sa mort, le mouron le néglige. Le souvenez-vous de son sort ne garde point vestige. Jadis, brin d'herbe et vert gazon lui faisait révérence. Jadis, main fleuronneau fripon tremblait en sa présence. Le voilà mort, le pauvre gars, son âme est endormie. C'est à peine dans ses états qu'il fait songer sa mie. Le bâton de caporal. Frequem fustium usus. Je chante les hauts faits d'un héros qui sut dompter la terre entière, qui trouva le prix de ses travaux dans le destin le plus prospère. Quoique né dans le sein des bois verts, près du nid bruyant des merlesses, on l'élut pour passer les hivers la main dans la main des altesses. Des princes balançaient son berceau, des hommes à guêtres, à perruques, durent passer leur temps le plus beau à raffermir sa vaste nuque. Chez un brave et digne caporal, on le mit en apprentissage. De l'honneur, il connut l'idéal et devint dur comme un cordage. Il acquit dans l'espace d'un jour un si haut degré d'excellence que tous les chrétiens du carrefour ahuri perdaient connaissance. Il se fit un renom de grandeur chez les nations ennemies. Devant lui, des régiments sans peur ressemblaient aux froides momies. Hélas, le voilà cendre et poussière, hélas, hélas, il est passé, passé le règne de l'étrivière, des rois le soutien s'est cassé. Il ne laisse pas un souvenir, quoiqu'au jour de notre jeunesse, on ait vu plus d'un dos établir les bons effets de sa souplesse. Il dicta sa volonté dernière au vieux et digne caporal, qui parfois compte à la vivandière les bonheurs de son général. Nous autres, nous sommes trop stupides pour mériter ce bon vieux temps. Cher bon vieux temps, où que tu résides, ne viens pas fesser nos enfants. Quand les jours viendront à leur limite, sans voix prieront sur un signal, mon Dieu, que tout héros ressuscite, mais délivre-nous de tout mal et du bâton du caporal. Et puis nous fessons et nous refessons les jolis petits, les jolis garçons. Béranger.